La formule 1. Pour celui qui a réussi à me suivre jusqu'à présent, il pourrait être superflu de répéter que j'ai appris cette formule, oralement, en sirotant du maté. Il est possible que je ne l'ai pas enregistrée d'une façon correcte dans ma mémoire, surtout face au choc de cette révélation si explosive. Et pourtant, du cancer, on peut guérir. Chaque fois qu'on transmet un message oral, on risque de ne pas le comprendre exactement, soit pour le manque de clarté de celui qui le donne, soit pour les limites de celui qui le reçoit, étant donné que ces limites sont propres aux hommes. En tout cas, j'ai commencé à apprendre l'utilisation de la formule connue, en employant deux feuilles d'aloès, un demi-kilo de miel et trois cuillerées d'eau de vie. Pendant plusieurs années, j'ai enseigné à des personnes à se servir de ces ingrédients. J'en étais satisfait car ils offraient des résultats positifs, pareils à ceux que j'ai illustrés dans le chapitre précédent. Il n'y avait donc aucune raison pour changer la formule qui se révélait gagnante. 2. Plus tard, dans le livre A Pharmacia da Natureza, de Sœur Maria Zatta, édition 1988, page 14, la même recette pour la guérison du cancer, je l'ai trouvée avec des variantes significatives. Voilà la recette, transcrite telle qu'elle se trouve dans le livre susdit, le matin, de bonne heure, ou le soir, après le coucher, cueillir deux feuilles, c'est moi qui ai souligné, d'aloès, les laver et enlever les épines. Couper en morceaux et passer au mixeur en ajoutant un kilo de miel et deux cuillerées d'eau de vie, c'est toujours moi qui ai souligné. En prendre deux cuillerées deux fois par jour pendant 10 jours. Suspendre l'administration pendant 10 jours, et continuer par ce rythme jusqu'à la guérison. Pour éviter le cancer, la recette est la même, mais alors il faut en prendre deux cuillerées par jour pendant 10 jours. En ce cas poursuivre la cure une fois par an. La nouvelle édition d'A Pharmacia da Natureza, deuxième édition, 1993, revue et agrandie, rapporte la recette à la page 20, en modifiant quelques détails particuliers, le matin, de bonne heure ou le soir, après le coucher, cueillir deux feuilles d'aloès, les laver et enlever les épines. Couper en morceaux et passer au mixeur avec un kilo de miel et deux cuillerées d'eau de vie. En prendre deux cuillerées deux fois par jour pendant 10 jours. Suspendre ensuite l'administration pour 10 jours, et continuer de cette façon jusqu'à la guérison. Ne pas prendre le médicament à jeun. Pour éviter le cancer, la recette est la même, mais alors il suffit d'en prendre deux cuillerées par jour pour 10 jours, répéter cette cure une fois par an. 3. Quand j'ai organisé le groupe de la pastorale pour la santé de la paroisse de Saint-Antoine, à Pouso Novo, Rio Grande do Sul, Madame Gladys Lavarda, l'un des membres du groupe, disposait d'une polycopie contenant la formule du traitement du cancer. Dans ce cas aussi la recette se présentait modifiée, et d'une façon significative, comme on pourra observer ici-bas. Plus tard, j'ai su que cette recette avait été tirée du livre Sada Traverdas Planta, de Paulo César d'Andrade dos Santos, édition Mundo Jovem, page 37, 8. Au chapitre recette générale, au mot cancer, nous trouvons cela, ingrédients, 3 grandes feuilles d'aloès, 1 demi-kilo de miel, 1 cuillerée d'eau de vie. Préparation, pour préparer ce mélange contre le cancer, il est nécessaire que les règles suivantes soient attentivement observées. La plante de l'aloès doit avoir, minimum, 5 ans, cueillir les feuilles quand il fait noir, après 5 jours sans pluie, ne pas cueillir s'il y a du givre, préparer dans l'obscurité, exécuter les préparatifs aussitôt après. La récolte, conserver le mélange dans un pot sombre dans le réfrigérateur, prendre le mélange dans l'obscurité. Attention, la raison pour laquelle on doit éviter la lumière, solaire ou artificielle, réside dans le fait que l'aloès, contient une substance qui réagit au cancer et qui, au contact avec la lumière solaire ou artificielle, perd automatiquement ses effets. Nettoyer l'aloès avec un chiffon sec, couper et passer au mixeur avec le miel et l'eau de vie. Modalité à observer, pour éviter le cancer, chaque personne devrait prendre le mélange une fois par an, minimum, une cuillerée trois fois par jour pendant 10 jours. Pour guérir la tumeur, en prendre deux cuillerées trois fois par jour pendant 10 jours, suspendre pour 10 jours et enfin prendre de nouveau le mélange pendant 10 jours et continuer. Ainsi jusqu'à la guérison totale. Attention, on obtiendra la guérison du cancer, lorsqu'il se trouve dans sa phase initiale, parce que plus il est dans une phase avancée plus il est difficile à guérir. 4. Dans la même période il m'arrive de lire le livre Satpela Alimentasao, du père Adlar Primerigo, contenant d'autres variantes de la recette. Celle-ci s'approche davantage de la formule de Sœur Maria Zatta, ainsi qu'on peut l'observer ci-dessous. La voici, miel aloès et eau de vie. Cueillir, le matin ou le soir après le coucher, deux feuilles d'aloès, les laver et enlever les épines. Couper en morceaux et passer-les au mixeur avec un kilo de miel et deux cuillerées d'eau de vie. En prendre deux cuillerées deux fois par jour pendant 10 jours. Suspendre ensuite par 10 jours, et continuer comme cela jusqu'à la guérison. Pour éviter le cancer, la recette est la même, mais il suffit d'en prendre deux cuillerées par jour pendant une durée de 10 jours, une fois par an. 5. Au mois d'octobre 1995, dans le provincial actuel des Frères Mineurs, 330, rue Juca Battista, Ipanema, Porto à Le Grand, Eres, cette formule était passée d'une main à l'autre parmi les gens simples, dans la banlieue de Rio Grande, le port maritime de Rio Grande do Sul, depuis que le père Arnaud Rexigel l'avait écrit dans du papier emballage. Chronologiquement, il s'agit de la formule la plus ancienne. Comme on pourra remarquer, elle présente, elle aussi, des variantes, ainsi que toutes les autres. La voici, produit, cancer 1. Deux feuilles d'aloès, les plus vieilles possibles, 4, 5 ans, cueillies dans l'obscurité, le matin ou le soir, après le sixième jour depuis la dernière pluie. 2. Enlever les épines, couper en morceaux et passer au mixeur. 3. Ajouter une tasse de miel. 4. Une cuillerée d'eau de vie. 5. Mettre au réfrigérateur. Dosage du médicament, une cuillerée 3 fois par jour, de préférence avant les repas, pendant 10 jours sans interruption, faire une pause de 10 jours et recommencer.